Monsieur Faucheux Smith, monsieur, ayant terminé l'étude de la logique avec l'art de diviser une thèse en chapitres, je me suis décidé à adopter la forme suivante pour mes lettres. On y trouve tous les faits nécessaires, sans verbiage inutile. Grand 1. Cette semaine, examens écrits sur les matières suivantes. A. Chimie. B. Histoire. Grand 2. On construit un nouveau dortoir. A. Les matériaux sont petit a, brique rouge, petit b, pierre grise. B. Son contenu sera petit a, un doyen, 5 professeurs. Petit b, 200 jeunes filles. Petit c, un économe, 3 cuisinières, 20 filles de service, 20 femmes de chambre. Grand 3. Hier soir, nous avons eu du lait caillé comme dessert. Grand 4. Je fais une étude sur l'origine des pièces de Shakespeare. Grand 5. Lou McMahon a glissé cet après-midi en jouant au basketball. Et elle, grand A, s'est disloqué l'épaule. Grand B, s'est contusionné le genou. Grand 6. J'ai un nouveau chapeau garni de grand A, ruban de velours bleu. Grand B, 2 couteaux bleus. Grand C, 3 pompons rouges. Grand 7. Il est 9h30. Grand 8. Bonne nuit. Joujou. Le 2 juin. Cher papa Faucheux, il m'est arrivé quelque chose de délicieux. Vous ne devineriez jamais. Les McBride m'ont invité à passer l'été avec eux à leur camp dans les Adirondacks. Ils font partie d'une espèce de club qui se trouve sur un joli petit lac, au milieu des bois. Les divers membres ont des huttes en bois éparpillées parmi les arbres. Ils vont en canoë sur le lac. Ils font de grandes promenades en suivant des pistes pour rendre visite à d'autres camps. Et une fois par semaine, ils organisent des danses au club. Jimmy McBride a l'intention d'inviter un ami de collège à passer une partie de l'été avec lui. Donc, nous aurons beaucoup de danseurs. C'est gentil de la part de Madame McBride de m'avoir invité, n'est-ce pas? Il paraît que je lui ai plu lorsque j'étais chez eux à la Noël. Excusez, je vous prie, ces quelques mots. Ce n'est pas une vraie lettre. C'est seulement pour vous faire savoir qu'on a déjà disposé de moi pour l'été. À vous, très joyeusement, Joujou. Le 5 juin. Cher papa Faucheux, votre monsieur secrétaire vient de m'écrire que monsieur Smith préfère que je n'accepte pas l'invitation de madame McBride et que je passe cet été à Lock Willow, comme l'été dernier. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, papa? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Madame McBride désire m'avoir auprès d'elle réellement, je vous l'assure, je ne dérange personne. J'aide plutôt. Ils n'ont pas beaucoup de domestiques. Et Sally et moi, nous pouvons nous rendre très utiles. C'est une bonne occasion pour moi d'apprendre à tenir une maison. Toutes les femmes savent cela, et moi, je ne sais que tenir un asile. Il n'y a pas de jeune fille de notre âge au camp, et Madame McBride a besoin de moi pour rester avec Sally. Nous avons l'intention de lire beaucoup ensemble. Nous lirons tous les livres pour les cours d'anglais et de sociologie dont nous aurons besoin l'année prochaine. Le professeur a dit que cela nous serait très utile de terminer nos lectures pendant l'été, et c'est beaucoup plus facile de se rappeler le tout quand nous lisons ensemble et que nous en causons après. On peut vraiment dire qu'on fait son éducation à vivre dans la même maison que la mère de Sally. C'est la femme la plus intéressante, la plus amusante, la plus charmante qui soit. Elle sait tout. Pensez combien d'étés j'ai passé avec Madame Lippett et comme je puis apprécier le contraste. Mais ne craignez pas que je prenne trop de place dans leur maison. Elle est en caoutchouc. Quand ils ont beaucoup de monde chez eux, ils dressent tout bonnement des tentes dans les bois et ils y envoient les jeunes gens. Cela va être si bon, si sain, de passer là tout un été à faire du plein air. Jimmy McBride va m'apprendre à monter à cheval, à pagayer en canoë, à tirer à la carabine, etc. Enfin, un tas de choses que je devrais savoir. Voilà bien la jolie vie gaie et sans souci que je n'ai jamais connue. Que toute jeune fille a le droit de vivre une fois au moins dans son existence. Bien entendu, je ferai exactement ce que vous voudrez. Mais je vous en prie, je vous en supplie, papa, laissez-moi y aller. Je n'ai jamais rien désiré comme cela. Ce n'est pas Jerusha Abbott, le futur grand auteur, qui vous écrit. Ce n'est que Joujou, une gamine. Le 9 juin. Monsieur John Smith, monsieur, j'ai bien reçu votre honoré du 7 courant. Selon les instructions transmises par votre secrétaire, je pars vendredi prochain pour la ferme de Lock Willow, où je passerai l'été. J'ai l'honneur d'être Mademoiselle Jerusha Abbott. la ferme de Lock Willow, le 3 août. Cher papa Faucheux, voilà presque 2 mois que je ne vous ai pas écrit. Ce n'est pas bien de ma part, je le sais, mais cet été, vous ne m'étiez pas très sympathique. Vous voyez que je suis franche. Vous ne pouvez pas vous figurer combien j'étais désappointée quand j'ai dû renoncer à mon séjour au camp de McBride. Je sais bien entendu que vous êtes mon tuteur et que je dois respecter vos volontés en toutes choses, mais cette fois-ci, je n'ai pu comprendre la raison. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de mieux que cette invitation? Si j'avais été papa et si vous aviez été Joujou, je vous aurais dit « Va, mon enfant, va et amuse-toi bien. Vois beaucoup de monde et apprends beaucoup de choses. Vis au grand air et reviens robuste et pleine de santé et bien reposée, de façon à travailler ferme pendant le reste de l'année. » Mais pas du tout, rien qu'un mot sec de votre secrétaire, m'ordonnant d'aller à Lock Willow. C'est ce caractère impersonnel de vos ordres qui me fait de la peine. Il me semble que si vous pensiez quelque petite fois à moi, comme je pense à vous, vous m'enverriez de temps en temps rien que de lignes écrites de votre propre main, au lieu de ces horribles petits mots tapés à la machine par votre secrétaire. S'il y avait la moindre apparence que vous teniez un peu à moi, je ferais tout au monde pour vous plaire. Je sais bien qu'il était convenu que je vous écrirais de longues lettres détaillées, sans jamais attendre de réponse. Vous exécutez le contrat de votre côté, vous faites faire mon éducation, et je m'imagine que vous devez croire que je ne l'exécute pas du mien. Mais papa, c'est bien dur en vérité. Je suis si terriblement seule. Je n'ai que vous à qui je puisse montrer de l'affection. Et vous êtes un être si chimérique, un produit de mon imagination, et très probablement vous êtes tout autre que je vous ai imaginé. Une fois, pendant que j'étais malade à l'infirmerie, vous m'avez envoyé un petit mot. Et maintenant, quand je me sens si terriblement oubliée, je prends votre carte et je la relis. Mais je ne vous dis pas tout ce que je voulais vous dire. C'était ceci. Vous m'avez fait de la peine, car c'est très humiliant d'être cueilli et transporté par une providence invisible, tyrannique, toute-puissante, déraisonnable. Mais quand une personne a été aussi bonne, aussi généreuse que vous l'avez été pour moi jusqu'ici, je suppose qu'elle a le droit d'être, si cela lui plaît, une providence invisible, tyrannique, toute-puissante et déraisonnable. Et aussi je vous pardonne et veux être de nouveau de bonne humeur. Cependant, les lettres que je reçois de Sally, où elle me raconte les bonnes parties qu'ils font dans leur camp, ne me mettent pas le cœur en joie. Mais jetons un voile sur tout cela et parlons d'autre chose. Cet été, j'ai écrit et encore écrit 4 courtes nouvelles, finies et envoyées à 4 magazines différents. Vous voyez que j'essaie de devenir auteur. J'ai mon cabinet de travail dans un coin du grenier où M. Gervie venait jouer les jours de pluie. C'est un petit coin frais et aéré, avec 2 lucarnes, et ombragé par un érable, où une famille d'écureuils rouges vit dans un trou. Je vous écrirai une bonne lettre dans 2 jours, et je vous raconterai toutes les histoires de la ferme. À vous, comme toujours, Joujou. Monsieur Faucheux, le 10 août. Monsieur, je vous écris de la 2e branche du saule, près de la mare, dans la prairie. Un crapaud croasse, une cigale chante, et 2 petits lézards courent du haut en bas du tronc. Je suis là depuis 1 heure. C'est une branche très confortable, surtout lorsqu'elle a été capitonnée avec 2 coussins du sofa. J'y suis arrivée avec une plume et un bloc-notes, espérant écrire une nouvelle immortelle, mais mon héroïne me donne beaucoup de mal, et je ne puis lui faire faire ce que je voudrais. Alors je l'ai abandonnée pour le moment et je vous écris. Cela ne me donne pas beaucoup de satisfaction, car je ne puis pas vous faire faire ce que je veux non plus. Je voudrais bien, si vous êtes dans ce terrible New York, vous envoyer un peu de bon air et de ce joli paysage ensoleillé. La campagne est divine après 8 jours de pluie. Vous souvenez-vous de M. Kellogg's, le ministre de la petite église des Corners? Je vous ai parlé de lui cet été. Eh bien, le pauvre homme est mort l'hiver dernier d'une pneumonie. J'avais été l'entendre prêcher 12 fois, et j'étais arrivée à comprendre sa théologie. À la fin de sa vie, il croyait absolument à la même chose qu'au commencement. Il me semble à moi qu'un homme qui ne change pas d'idée pendant 47 ans devrait être exposé dans une vitrine comme curiosité. J'espère qu'il est maintenant en jouissance de sa harpe et de sa couronne d'or. Il était si parfaitement sûr de les trouver là-haut. Un jeune homme très prétentieux a pris sa place. La congrégation est plutôt indécise, surtout la partie dirigée par le diacre Cummings. Il semble qu'il doive y avoir un terrible schisme dans l'Église. Dans notre petit pays, nous ne tenons pas aux innovations en matière religieuse. Pendant notre semaine de pluie, je me suis assise au grenier et j'ai fait une orgie de lecture, principalement de Stevenson. Il est personnellement plus amusant qu'aucun personnage de ses livres. Je ne doute pas qu'il se soit fait lui-même à l'image des héros dont il imprime les exploits. Ne trouvez-vous pas que c'était tout à fait bien de sa part de dépenser les $10,000 légués par son père pour s'acheter un yacht et de s'en aller dans les mers du Sud ? Il a toujours vécu à la hauteur de ses idées. Si mon père m'avait laissé $10,000, je ferais la même chose. La pensée de Vailima me rend folle. Je voudrais voir les tropiques. Je voudrais voir le monde entier. Et je le ferai un de ces jours, je vous l'assure, papa. Lorsque je serai ou grand auteur, ou artiste, ou actrice, ou dramaturge, le grand personnage, quel qu'il soit, que je vais devenir. J'ai une soif terrible de voyager. La vue seule d'une carte me donne envie de mettre mon chapeau, prendre mon parapluie et partir. Je veux, au pays du soleil, voir, avant de mourir, les palmiers et les temples. Jeudi soir, au crépuscule, assis sur le pas de la porte. C'est rudement difficile de faire entrer des nouvelles dans cette lettre. Joujou devient si philosophe qu'elle voudrait discourir du problème des mondes au lieu de s'abaisser aux puérils détails de la vie quotidienne. Si cependant il vous faut des nouvelles à tout prix, eh bien, en voilà. Nos 9 petits cochons ont traversé le gué mardi dernier et se sont sauvés. Il n'en est rentré que 8. Nous ne voulons accuser personne, mais nous soupçonnons la veuve Dowd d'en avoir un de trop. Monsieur Weaver a peint sa grange et ses 2 hangars d'un jaune citrouille éclatant, une couleur hideuse, mais il dit que cela tiendra. Les Brewer ont du monde cette semaine, la sœur de madame et 2 nièces venues de l'Ohio. Une de nos rhodésiennes rouges ne nous a donné que 3 poussins pour 15 œufs. Nous ne savons pas à quoi cela peut tenir. Pour moi, les rhodésiennes rouges sont une race très inférieure. Je préfère beaucoup les Orpingtons, chamois. À l'épicerie bureau de poste de Bunnyhaig Four Corners, le nouveau commis a bu jusqu'à la dernière goutte sans avoir été découvert tout le gingembre de la Jamaïque qui était en magasin. Valeur $7. Le vieux Ira Hatch a des rhumatismes et ne peut plus travailler. Il ne mettait rien de côté lorsqu'il faisait de bonnes journées et maintenant il vit aux frais de la municipalité. Samedi soir, il y aura une grande fête mondaine, glaces et sirops à la maison d'école. Venez et emmenez vos familles. J'ai un nouveau chapeau que j'ai acheté pour 25 cents à la poste. Je n'y vois plus, il fait trop sombre, mais mon stock de nouvelles est épuisé. Bonne nuit, Joujou. Vendredi. Bonjour. Voici enfin des nouvelles. Que croyez-vous ? Vous ne devinerez jamais, mais jamais, qui va venir à Lock Willow. Une lettre de M. Pendleton à Mme Semple. Il fait une tournée en automobile à travers les Berkshires, et il est fatigué et veut se reposer dans une ferme où il sera tranquille. S'il tombe chez elle un de ces soirs, aura-t-elle une chambre à lui offrir? Il y restera peut-être une semaine, peut-être 2, peut-être 3. Il verra quand il y sera s'il s'y repose vraiment bien. Que d'émotion! Grand nettoyage de toute la maison, tous les rideaux à la lessive. Je vais ce matin au Corners chercher du linoléum pour l'entrée, et 2 seaux de peinture marron pour le hall et l'escalier de service. Madame Dowd vient demain laver les fenêtres. Vu les exigences du moment, nous faisons taire nos soupçons à l'endroit du petit cochon. Vous pourriez croire, d'après tout cela, que la maison n'était pas d'une propreté absolue. Mais je vous assure que vous auriez tort. Quels que soient les travers de Madame Semple, c'est une ménagère parfaite. Mais, papa, il n'y a qu'un homme pour faire une chose pareille. Il ne nous donne pas la moindre idée du moment où il va tomber chez nous, si c'est aujourd'hui ou si c'est dans 15 jours. Nous resterons sur le qui-vive jusqu'à son arrivée. S'il ne se hâte pas, il est probable que tout le nettoyage sera à recommencer. Voilà Masai qui attend en bas avec la carriole et Grover. Je pars seul, mais si vous pouviez voir le bon vieux Grover, vous ne seriez pas inquiet. La main sur le cœur. Adieu, Joujou. Post-scriptum. N'est-ce pas gentil cette fin-là ? Je l'ai prise dans les lettres de Stevenson. Samedi. Encore une fois, bonjour. Hier, Je n'ai pas pu finir ma lettre avant l'arrivée du facteur, alors je vous écris encore un peu. Nous avons un seul courrier par jour à midi. Le facteur rural fait le bonheur des fermiers. Le nôtre, non seulement distribue les lettres, mais il fait nos courses en ville à 500 pièces. Hier, il m'a rapporté des lacets de souliers, un pot de colcrim. J'avais attrapé un coup de soleil sur le nez avant d'avoir mon nouveau chapeau. Une cravate bleue et une bouteille de cirage, le tout pour 10 cents. C'était d'un bon marché sans précédent, dû à l'importance de ma commande. Il nous fait part aussi de ce qui arrive dans le grand univers. Il distribue à plusieurs personnes les journaux quotidiens. Il les lit au cours de sa route, pendant qu'il va qu'à un cas, et raconte les nouvelles à ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, si la guerre est déclarée entre les États-Unis et le Japon, ou si le président est assassiné, ou encore si M. Rockefeller lègue $1 million à l'asile John Greer, ne vous donnez pas la peine de me l'écrire, je le saurai. Encore rien de M. Jervy, mais je voudrais que vous vissiez comme la maison est propre, et avec quel soin nous essuyons nos pieds avant d'entrer. J'espère qu'il arrivera bientôt. J'ai tant envie d'avoir quelqu'un avec qui parler. À dire vrai, Mme Saint-Paul devient plutôt monotone. Elle ne permet pas aux idées de venir couper le flot de sa conversation. Les gens d'ici sont bien cocasses. Leur monde est borné par le sommet de cette petite colline. Ils ne sont pas du tout universels. Vous me comprenez? C'est exactement la même chose qu'à l'asile John Greer. Là, en effet, nos idées ne dépassaient pas les quatre côtés de la clôture. Seulement, cela ne me faisait pas autant d'effet, parce que j'étais plus jeune et terriblement occupée. Quand arrivait le moment où j'avais fait tous les lits, lavé les figures de tous mes bébés, été à l'école, repris le chemin de l'asile, lavé de nouveau les figures, reprisé les bas, raccommodé les pantalons de Freddy Perkins, il les déchirait régulièrement chaque jour, et entre-temps appris mes leçons, j'étais bien à point pour me mettre au lit, et je ne sentais pas du tout l'absence de toute société. Mais, après 2 ans passés dans un collège où l'on bavarde beaucoup, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose et que je serais contente de voir quelqu'un qui parlât ma langue. Je crois vraiment, papa, que j'ai fini. Je ne vois rien de nouveau pour l'instant. J'essaierai d'écrire davantage la prochaine fois. Toujours à vous, Joujou. Post-scriptum. La laitue n'a pas bien réussi cette année. Il faisait trop sec au début de la saison. Le 25 août. Eh bien, papa, M. Jervy est ici. Et quel bon moment nous passons ensemble. Pour ma part, du moins, et pour la sienne aussi, je crois. Voilà 10 jours qu'il est là, il n'a pas l'air de vouloir partir. La façon dont Mme Saint-Paul choisit cet homme est scandaleuse. Si elle le gâtait autant lorsqu'il était bébé, je ne sais pas comment il a fait pour s'y bien tourner. Nous prenons nos repas, lui et moi, à une petite table mise du côté du porche ou quelquefois sous les arbres, ou, enfin, quand il pleut ou qu'il fait froid, dans la plus belle pièce. Il désigne les endroits où il désire manger et Carrie trotte après lui avec la table. Et si cela lui a donné beaucoup de mal, et si elle a dû porter les plats très loin, elle trouve $1 sous le sucrier. C'est un compagnon des plus agréables. Au premier abord, cependant, on ne s'en douterait pas, car il vous donne l'impression d'un vrai Pendleton. Mais en réalité, il ne l'est pas du tout. Il est vraiment aussi simple, aussi franc, aussi charmant qu'il est possible de l'être. Cette façon de décrire un homme vous paraîtra peut-être un peu drôle, mais elle est très exacte. Il est extrêmement gentil avec les fermiers du voisinage. Il a une manière de leur parler d'homme à homme qui tout de suite les désarme. Au début, il montrait de la défiance. Il n'aimait pas sa façon de s'habiller. Et je dois dire que ses costumes sont plutôt extraordinaires. Il porte des culottes et des jaquettes de chasse, des complets en flanelle blanche et des costumes de cheval avec des pantalons bouffants. Chaque fois qu'il s'exhibe quelque chose de neuf, Mme Saint-Paul rayonne d'orgueil, se promène autour de lui, le regarde de tous les côtés et le prie de faire bien attention quand il s'assied. Elle a si grand peur qu'il ramasse de la poussière. Ceci l'agace terriblement. Il lui dit tout le temps « Fiche-moi le camp, Lizzie, et occupe-toi de ton travail. Finis ton autorité sur moi, je suis un grand garçon. » C'est follement drôle de penser que ce grand, fort gaillard à longues jambes, il est presque aussi grand que vous, papa, a pu jamais être tenu sur les genoux de Mme Saint-Paul pendant qu'on lui lavait sa petite figure. C'est drôle surtout quand vous voyez Mme Saint-Paul. Elle a bien profité, elle aussi, elle porte maintenant 3 mentons, mais il dit qu'autrefois elle était mince, souple et alerte, et qu'elle courait plus vite que lui. Que d'aventures! Nous avons exploré le pays dans tous les sens et j'ai appris à pêcher avec de drôles de petites mouches fabriquées avec des plumes, et aussi à tirer au fusil et au revolver, et aussi à monter à cheval. Le vieux Grover possède toujours beaucoup de ressorts. Nous l'avons nourri d'avoine pendant 3 jours. Il a fait un écart devant un veau et s'est presque emballé avec moi sur son dos. Mercredi. Lundi après-midi, nous avons fait l'ascension de Sky Hill. C'est une montagne des environs, pas une montagne très élevée. Il n'y a pas de neige sur le sommet, mais vous n'en êtes pas moins haletant quand vous arrivez en haut. Les pentes du bas sont très boisées, mais le sommet n'est que rocher sur rocher, couronné par un vaste plateau. Nous y avons attendu le coucher du soleil, allumé du feu et préparé notre souper. C'est M. Gervie qui a fait la cuisine. Il a dit qu'il en savait plus que moi, et c'est vrai, parce qu'il a l'habitude de faire du camping. Nous sommes ensuite descendus au clair de lune, et en arrivant sous bois comme il faisait sombre, il a éclairé notre route avec une lanterne électrique qu'il avait dans sa poche. C'était si amusant. Il a plaisanté et ri tout le long du chemin, racontant un tas de choses intéressantes. Il a lu tous les livres que j'ai lus, et beaucoup d'autres encore. C'est étonnant tout ce qu'il sait. Ce matin, nous avons fait une longue promenade, et nous avons été pris par l'orage. Nous étions trempés extérieurement avant d'arriver à la maison, mais notre enthousiasme, lui, n'avait pas reçu la moindre douche. Il fallait voir la tête que faisait Madame Simple pendant que nous nous égouttions dans sa cuisine. « Oh, Monsieur Gervie, oh, Miss Joujou, mais vous êtes mouillée jusqu'aux os. Miséricorde, que faire? Ce bon veston neuf est absolument perdu. » Elle était vraiment drôle. Vous auriez cru que nous avions 10 ans, et vous l'auriez prise pour une mère affolée. J'avais peur un instant qu'elle ne nous privât de confiture pour notre thé. Samedi. Il y a un siècle que j'ai commencé cette lettre, mais je n'ai pas eu une seconde pour la finir. N'est-elle pas jolie, cette pensée de Stevenson? Le monde est si plein de choses que nous pourrions, j'en suis sûr, être heureux comme des rois. C'est bien vrai, le monde est plein de bonheur. Il y en aurait assez pour tous si on se contentait de ce qu'on trouve. À la campagne, surtout, il y a tant de choses divertissantes. Je peux me promener sur le terrain de tout le monde, contempler le point de vue de tout le monde, patauger dans le ruisseau de tout le monde, et y trouver autant d'agréments que si le terrain m'appartenait. Le tout sans payer de contribution. C'est dimanche soir maintenant, 11 heures environ. On croit que je goûte un sommeil réparateur, mais j'ai pris du café après le dîner, alors pas de sommeil réparateur pour moi. Ce matin, Madame Simple a dit d'un ton très décidé à M. Pendleton, « Il nous faut partir à 10 heures et quart afin d'arriver à l'église à 11. » « C'est bien, Lizzie, » dit M. Gervie. « Ayez le buggy prêt. » Et si je ne suis pas habillée, vous n'avez qu'à partir sans m'attendre. Nous vous attendrons, comme il vous plaira, répondit-il, mais ne faites pas attendre les chevaux trop longtemps. Puis, pendant que Madame Saint-Paul se préparait, il demanda à Carrie de mettre de quoi déjeuner dans un panier, et moi de vite passer mon costume tailleur. Puis, nous nous sommes esquivés par la porte de derrière, et nous sommes allés à la pêche. Cela a beaucoup dérangé les habitudes de la maison, car le dimanche, à Lock Willow, on dîne à 2 heures. Mais il a commandé le dîner pour 7 heures. Il commande les repas aux heures qui lui conviennent. On croirait que nous sommes dans un restaurant. Et ainsi, Carrie et Amasai se trouvèrent privés de leur promenade en voiture. Mais il a prétendu que cela valait mieux parce qu'il n'était pas convenable pour eux de se promener sans chaperon et qu'il avait besoin des chevaux pour me faire faire un tour. Avez-vous jamais entendu quelque chose de plus drôle ? Et cette pauvre Madame Saint-Paul, qui est persuadée que ceux qui vont à la pêche le dimanche vont plus tard rôtir dans un enfer chauffé à blanc, elle regrette beaucoup de ne pas l'avoir mieux dressé quand il était petit, et par-dessus le marché, elle se faisait une fête de l'exhiber à l'église. Quoi qu'il en soit, nous avons pêché. Il a pris 4 petits poissons et nous les avons fait griller pour le déjeuner sur un feu de broussailles. Ils sont tombés plusieurs fois de leur brochette et ils avaient un petit goût de cendre. Mais nous les avons mangés tout de même. Nous sommes rentrés à 4 heures, sortis en voiture à 5, nous avons dîné à 7, à 10, on m'a envoyé au lit, et m'y voilà, en train de vous écrire. Je commence cependant à avoir sommeil. Bonne nuit. Post-scriptum. J'oubliais de vous dire que j'ai pris un poisson, un seul, et pas bien gros. Ohé, du navire, Capitaine Faucheux. Tiens bon, à marée. Yo, ho, ho, et une bouteille de rhum. Devinez ce que je lis. Notre conversation ces 2 derniers jours n'a été que de bateaux et de pirates. L'île du trésor est bien amusante, n'est-ce pas? L'avez-vous jamais lue? Était-ce déjà écrit au temps de votre jeunesse? Stevenson n'a reçu que 30 livres sterling pour les droits d'auteur. Je ne crois pas que cela rapporte beaucoup d'être un grand écrivain. Je serai peut-être maîtresse d'école. Vous m'excuserez de mettre tant de Stevenson dans mes lettres. Il m'occupe beaucoup à présent. Il n'y a que lui dans la bibliothèque de Lock Willow. Voilà 2 semaines que j'écris cette lettre et il est temps que je la finisse. Ne dites jamais, papa, que je ne vous donne pas assez de détails. Je regrette que vous ne soyez pas ici avec nous. Nous nous amuserions énormément ensemble. J'aime que mes amis se connaissent. Je voulais demander à M. Pendleton s'il vous avait rencontré à New York. Ce ne serait pas étonnant, vous devez vivre dans les mêmes hautes sphères. Vous vous intéressez tous les deux aux réformes sociales et autres questions du même genre. Mais je n'ai pas pu me renseigner, car je ne sais pas votre véritable nom. C'est la chose la plus bête du monde de ne pas savoir votre nom. Madame Lippett m'avait prévenu que vous étiez excentrique, ce que c'est vrai. Affectueusement, Joujou. Post-scriptum. En relisant cette lettre, je trouve qu'il n'y est pas uniquement question de Stevenson. Il y a une ou deux petites allusions à M. Jervis.